ce qu'elle est nourrie, c'est bien. C'est pas faute moi si j'en dis, le panique bon la vie. Pas blairé, ça qui est rangé. Shalala.